je peux le dire. Et oui, je peux le dire. Mais maintenant, j'ai plus besoin de vous. Quand j'écrivais, vous rigolez, vous en rappelez tout. Mais j'étais plus futé, je croyais en mon Dieu. J'ai fini par apprendre que maintenant tu me veux. Dans un mépris de mes nouvelles, j'ai dû me débrouiller tout seul. Tu fais partie de mon entourage, mais jamais tu m'encourages. Nous traînons dans le quartier, à vouloir tout striquer. Nous développer dans le ghetto, et ça finit en prison. Je suis mon propre chemin, pas de queue dans les mains. Aucune drogue dans les poches, je veux me voir rouler en Porsche. Pas dîner dans les rues, pour de l'argent de poche. Je toque chez personne, j'ai besoin de personne. Maintenant ils veulent de mes nouvelles, je vois pas pourquoi ils en veulent. Chaque fois que je rappais, ils me disaient tous ferme ta gueule. Maintenant je vis ma vie sans être dealer. Je veux savoir, j'ai réussi dealer. Now they ask me, how you know so much at 17? What you mean, you never seen a dysfunctional team? Mama cared for me, papa wasn't there for me. Older brother so dope and Murph blurred for me. Times got hard, I had to get harder. Let me take that back, I had to get smarter. 16, I had me a daughter. Hold up, Jaquan, let's get shit in order. Baby mama, that's a whole nother story. Both too young, both too horny. Cell phone rung, but I didn't answer. Check my voice, man, my grandma got cancer. Now she laying up in the old folks home. When it seemed like yesterday she was home. A month later, stroke pop up, her brain cells gone. The last thing she said was let no one steer you wrong. I'm they grown. Ask me, do I believe in God? So I ask them, did I defeat the odds? They ask me, do I believe in God? So I ask them, did I defeat the odds? Regardez ma vie, maintenant elle est pure. Pendant les périodes dures, j'ai dû forcer la serrure. Dur, dur, mais j'ai fini par réussir. Puisque je tiens dans la vie, n'a rien de chanceux. Rien de tout cela, c'est juste l'œuvre de Dieu. Maintenant tu aimes ce que je fais, tu traînes dans le quartier et je déteste ce que tu fais. J'ai fini dans le stylo, toi tu finis dans le ghetto. T'es noyé dans la fumée, dans le cul baptisé. Tout l'argent des méchamment, n'agresse pas les gens méchamment. Tu te foutais de ma gueule, j'ai pas crié au secours, mais j'ai caché ma peur. Chacun pour soi, sans compter sur qui que ce soit. Je préfère suivre ma voix, je veux juger personne. Je préfère vivre ma vie sans la vie de personne. Maintenant je peux le dire, que j'ai fermé mes yeux. Maintenant je peux dire que j'ai pas besoin de. Shit fucked up, but I can't turn away now. So dope around the town, self-esteem way down. Jesse made me tougher, he boxed me up. My mama put me in the system, she locked me up. Now this around the town that we lived out handling. When I think about it, I don't know none of my family except for the immediate ones. That's why I run to the streets and the Jenny's handguns. He don't talk much, so everybody wanna fight him. Earth school I went to, nobody liked him. Never could it be right, I tried some time. So I chill by myself and cry some time. And all I ask from God's to buy some time. Would I bring his name in it if I was lying? Now look at what the fuck I done doing. Terry Jones' last son, this is a blessed son. I'm they grown. Ask me, do I believe in God? So I ask them, did I defeat the odds? They ask me, do I believe in God? So I ask them, did I defeat the odds? Now they ask me, how you know so much at 17? What you mean, you never seen a dysfunctional team? Got hard, I had to get harder. Let me take that back, I had to get smarter. They ask me, do I believe in God? So I ask them, did I defeat the odds? They ask me, do I believe in God? So I ask them, did I defeat the odds? You know, I mean, it's okay to cry right now. If you're standing by your grandma, your mom, your brother.